Le mercredi 17 août, ici Dominique Lelièvre, voici les actualités. D'abord, les taxes scolaires sont en hausse de 3 % La commission scolaire de la capitale en baisse cependant de 2 % chez les découvreurs. Dans les deux cas, c'est l'évaluation à la hausse de la valeur des propriétés qui est en cause. À la capitale, c'est 2 millions de dollars supplémentaires qui pourront être perçus. De quoi donner un peu de répit à l'institution dont le dernier budget s'est écrit à l'encre rouge. Chez les découvreurs, c'est la situation inverse qui se produit. La commission scolaire récolte depuis des années le montant maximum permis par la loi. Avec l'augmentation de la valeur foncière, elle n'avait pas le choix de baisser son taux de taxe pour respecter la législation. Jour 12 des Jeux de Rio, les résidents de Lac-Beauport surveillaient de près la performance des kayakistes Hugh Fournel et Ryan Coach Rain. C'est là que les deux hommes s'entraînent depuis des années et ils n'ont pas déçu le duo canadien qui accède à la finale du K2 200 mètres qui se déroulera demain matin. Le duo qui a terminé au troisième rang de la demi-finale avec un chrono de 32 secondes. Et la sœur aînée de Fournel, Emily, qui n'a pas eu autant de chance, elle va rater la finale. Elle s'est classée ce matin septième à la demi-finale du K1 500 mètres. Volleyball enfin, les Canadiens se sont inclinés devant les Russes, les champions en titre. L'équipe masculine canadienne qui a perdu en quart de finale malgré une performance remarquée lors de la phase de groupe. Scène municipale, Régis Labeaume refuse de se prononcer sur la sécurité des piétons sur le boulevard Laurier. La traverse pour piétons qui est jugée dangereuse par plusieurs citoyens. Certains ont évoqué la construction d'une passerelle. Mais une semaine, jour pour jour, après le décès tragique de Marie-Pierre Gagné, le maire de Québec dit qu'il est encore trop tôt pour s'avancer. Il attendra les conclusions du rapport de police, rapport qui est fort attendu. La pression augmente sur les autorités pour qu'ils révèlent les causes exactes de l'accident. La thèse d'un malaise chez le conducteur circule, mais la police n'a encore rien confirmé. Enfin, Nathalie Normandeau rencontrera quelques embûches, certainement, dans son nouveau poste d'animatrice radio sur une antenne de Québec. L'entreprise Leclerc Communication, qui avait annoncé récemment en grande pompe son embauche, mais compte tenu de ses démêlés avec la justice et en dépit de la présomption d'innocence, les députés de l'Assemblée nationale sont unanimes pour dire qu'ils bouderont la nouvelle animatrice. Libéraux, caquistes, péquistes, solidaires, tous refuseront de lui accorder des entrevues. Rappelons que l'ex-vice-première ministre du Québec a été arrêtée par l'UPAC en mars dernier. Elle est en attente de son procès. À CKRL, c'était les informations.